Information T420s. Entrée libre. Information fbdfq.com. Vous aimez les romans historiques? Lui préfère la science-fiction? Alors que vos amis ne jurent que par les essais et la littérature québécoise? Et que vos enfants dévorent des histoires d'amour tourmentées? Le Salon international du livre de Québec saura tous vous contenter. Avec plus de 1300 auteurs présents, la diversité est au rendez-vous cette année encore. Le Salon international du livre de Québec, sous la présidence d'Alama Bancou, du 13 au 17 avril au Centre des congrès de Québec. Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio dédié aux arts visuels à Québec. Audrey Caro au micro et accompagnée, bien sûr, de Gentiane Lafrance. Bonsoir. Bonsoir, Audrey. Ça va? C'est soir de dossier. Exact, on est fébrile, très fébrile. Oui. Donc, on va parler médiation culturelle ce soir. On a une belle panoplie d'invités en studio qui vont répondre à nos questions et discuter de ce beau sujet. Et moi, j'ai collaboré avec nos collaborateurs, collaboratrices pour avoir quelques billets. Donc, il y en a un qui est en ligne sur notre blog, Louane Boudreau, qui nous fait réfléchir à propos du rapport entre la technologie, l'art et le spectateur dans la médiation culturelle actuelle. Donc, des très belles réflexions donc à lire sur le blog. Oui, et puis on en aura d'autres aussi. Ben, un autre à venir dans les jours là, à suivre après le Exactement. Le dossier. Exactement. Donc, Fanny Hénon-Lévy qui va nous offrir également un billet la semaine prochaine. Mais parlons de qu'est-ce qui se passe en ce moment, Audrey, alors pour la suite de l'émission. Oui, bien sûr, on a donc trois segments à vous proposer aujourd'hui à l'émission. En première partie, on va parler de Muséomix, qui est un événement qui a eu lieu l'an dernier, en novembre dernier, donc une deuxième édition à Québec. On va en parler plus longuement justement avec nos invités qui sont déjà en studio avec nous. Par la suite, on va discuter aussi avec Jeanne Couture et José Landry-Sirois qui vont nous présenter le projet qui a lieu en ce moment dans Limoilou, donc avec 1, 2, 3, go Limoilou, un projet de médiation culturelle avec les tout-petits 0 à 5 ans. Donc, on va aborder cet aspect-là et terminer l'émission avec Danny Quine et Simon Grondin sur une exposition dont on avait parlé au mois de décembre, donc l'art en soi, qui proposait un parcours assez différent de l'habitude, plus didactique, mais qui nous amenait à se questionner sur notre perception des œuvres d'art. Alors, on va les recevoir donc en dernier segment de l'émission. Mais on commence tout de suite parce que dossier dit émission chargée. J'ai avec moi Marie-Hélène Raymond. Bonsoir Marie-Hélène. Bonsoir Audrey. Alors tu es au Musée national des beaux-arts du Québec et as coordonné la dernière édition, si on peut dire, de Muséomix avec Véronique Boisjoli notamment. Oui, et Geneviève Provencher-Saint-Cyr. On était trois co-coordonnatrices de Muséomix cette année. Donc moi je représentais le musée hôte et mes deux partenaires, la communauté. Oui, exact. Et on a aussi Anna-Laura Baz. Bonsoir. Eh bien, vous êtes un peu l'embryon de Muséomix. Hein? Et si vous avez amené semer l'embryon de Muséomix à Québec, vous avez été aussi coordonnatrice de cet événement-là lorsqu'il a été présenté au Musée de la Civilisation également. Également aussi, on va avoir Julien Saint-Georges, notre chroniqueur à l'émission. Bien sûr, fidèle au poste. Exact. Et toi, Julien, tu as participé à l'édition, à la dernière édition aussi, donc tu vas pouvoir probablement nous témoigner un petit peu aussi de ton passage. C'est mon petit volet là, personnel sur cette expérience-là. J'ai hâte de l'entendre. Parfait. Donc, ma première question était, bien sûr, il faudrait présenter aux auditeurs qu'est-ce que c'est Muséomix au juste? Alors, Muséomix est né en France en 2011. C'est 6 personnes qui sont intéressées par les musées, par le numérique, par le mouvement hacker qui se sont dit: de quelle manière on pourrait faire vivre le musée autrement? Et ils ont inventé une formule, un événement sur 3 jours où des gens de la communauté, des graphistes, des programmeurs, des gens de musée, de médiation, des gens de contenu, des gens de communication se rassemblent pour inventer des prototypes numériques dans un musée. Et donc, c'est un événement qui est organisé par la communauté, pour la communauté, avec un musée qui le reçoit. Oui. Ben, quand on dit prototype numérique, on pense à des outils de médiation, comment aller au-delà de l'audio guide dont on est habitué ou de la visite commentée, visite guidée qu'on a depuis toujours en vrai, en humain, dans les musées. Exact. C'est vraiment d'amener la médiation donc vers le 21e siècle parce que faut dire qu'on a bien exploité justement les audio guides ou les cartels au mur, mais c'est d'amener justement un vent un peu de fraîcheur dans la façon de parler des œuvres d'art, de les déchiffrer, les décortiquer pour les expliquer aux gens. Et puis, j'étais juste curieuse avant qu'on passe un peu à comment tout ça fonctionne. Anna-Laura, donc, c'est vous qui a vraiment instigé un peu le mouvement ici à Québec. En 2012, vous avez réussi à convaincre des gens pour aller à Lyon, en France, vivre l'expérience, c'est bien ça? C'est exactement. Alors, moi, je suis chargée de projet numérique au Musée de la Civilisation et je connais les gens qui ont inventé Museomic depuis... D'accord. quelques années, qui m'ont dit, ben en 2011, il y a ça qui existe. Et en 2012, on a réussi financièrement à se rendre sur place avec des gens du Musée de la Civilisation, mais aussi des gens de la communauté, en disant, ça pourrait-tu marcher, ça, à Québec? Est-ce que ça serait intéressant? Est-ce que les gens vont embarquer? Est-ce qu'on est capable de l'organiser? On est allé le vivre, on a trippé, on a adoré, on a vu que c'était réaliste, et on l'a ramené, donc, en 2013, au Musée de la Civilisation. On est les premiers en Amérique à l'avoir accueilli. Oui, exactement, parce que, on le disait, c'est 11 pays qui participent en tout, donc, à tout ça, mais il y a des gens du Québec, dont oui, la ville de Québec, Montréal qui a suivi aussi par la suite. Il y a la France, la Belgique, le Mexique, la Suisse aussi. Donc, l'Angleterre c'est quand même aussi. L'Angleterre. Donc, c'est vraiment tout un réseau planétaire, là, en tout cas, qui embarque, si on peut dire, dans cette aventure de Muséomix, là, de revisiter le musée. Tout à fait. Puis, ce qui est beau aussi, c'est que les gens s'organisent ensemble. Mmh. Donc, il y a des OBNL, des organismes, des associations qui se créent un peu partout. Et il y a une entraide internationale, une collaboration pour imaginer, pour partager des documents, pour partager des manières de faire. Et donc, à Québec, il y a une association qui a été créée comme ça. Ça s'appelle Muséomic Québec. Oui. Il y en a une à Montréal et il y en a une qui est en train de naître au Bas-Saint-Laurent, à Rivière-du-Loup. Oui, parce que je pense que la prochaine édition va avoir lieu là-bas. Est-ce que ça risque quand même à Québec aussi? Mais ça devrait avoir lieu à Québec aussi. La communauté a vraiment le goût qu'il y en a un autre. OK, fait que vous avez réussi à élargir, aller jusque dans le Bas-Saint-Laurent aussi. Tout à fait. OK, excellent. Et peut-être, Marie-Hélène, te demander concrètement en quoi ça consiste Muséomix là, pour expliquer ça aux gens. Bien, comme Anna l'expliquait, en fait, pendant 3 jours, c'est des gens de tout acabit qui investissent le musée. Donc, nous, l'année passée, c'était ça le but, en fait, d'ouvrir les portes du musée, ouvrir à la communauté, ouvrir à tous les créatifs, tous les gens qui ont le goût d'innover hors musée. En fait, tu sais, il n'y a rien comme être devant l'arbre pour ne pas voir la forêt. Alors, des gens de l'extérieur qui veulent réinventer notre musée, pourquoi pas. À l'aube de l'ouverture de notre nouveau pavillon, on s'était dit, on s'ouvre vers le numérique, on s'ouvre vers la communauté. Donc, pendant 3 jours, on invite des gens qui forment des équipes avec des profils différents, donc un designer, un historien de l'art dans notre cas, là, un spécialiste en muséologie, bref, toutes sortes de profils. Oui, ben dans le fond, moi, c'est ça que je trouve intéressant parce que ça arrive. Tout à l'heure, vous parliez, ah oui, c'est des gens de la communauté, mais en même temps, moi, je trouve qu'il y a des gens de l'extérieur de cette communauté-là. Communauté Muséomix, dans le sens que ça crée comme une espèce d'alternative à la communauté culturelle. Comme plus traditionnel. Ouais, en fait, moi, quand je dis communauté, c'est communauté at large. Là, ça pourrait être la communauté de Québec. Oui, OK, c'est correct. Ou du même du Québec. C'est un événement citoyen. Exact. Mais je trouve ça vraiment intéressant que ça réussisse à susciter l'intérêt, justement, de programmeurs. C'est ce que j'allais dire. Ces choses-là. Donc, de dire qu'ils ont dit, hey, moi, j'ai envie d'embarquer dans votre aventure. Puis, tu sais, je veux dire, l'art est peut-être pas nécessairement ce qui est les arts visuels le plus populaire actuellement. Non. Mais en même temps, je me dis, je pense qu'il doit avoir avoir un beau potentiel aussi pour des gens comme ça, de peut-être sortir de leur cadre aussi. Ben, c'est ça, je pense aussi, qui fait que les gens s'inscrivent. Tu pourras en témoigner, oui, peut-être. Oui. Mais c'est justement ça, surtout pour les programmeurs, j'imagine, qui sont pas habitués nécessairement d'être dans un milieu culturel. Puis tu sais aussi, la plupart des musées au mix qui ont eu lieu, c'est souvent dans des musées comme le Musée de la Civilisation, des musées ethnologie, des musées de sciences, des musées où on a l'habitude d'intégrer le numérique, le côté interactif. Alors qu'en 2014, au Musée des Beaux-Arts de Montréal, on a vu tout de suite la différence, tu sais, par rapport à travailler avec des œuvres d'art. Mm-hmm. On connaît les défis, le droit d'auteur, il y en a plein d'autres, mais c'est quand même différent, le défi de la contemplation. C'est pas du tout pareil comme un autre genre de musée. Donc, pour les musées d'art, c'est particulier aussi comme défi. Fait que j'imagine que les gens qui ont voulu aborder la chose à l'automne dernier avaient ça en tête aussi. Mais ils ont quand même tout un défi de former une équipe, de s'entendre avec des gens qui ne connaissent à peine, de former une famille en quelques heures, puis de créer un prototype d'un outil de médiation en quelques jours qui fonctionne. Parce qu'à un moment donné, on commence à travailler le vendredi matin, mais il faut que le dimanche midi, tout soit terminé pour que le grand public le teste, puis donne sa note finale. Exact. C'est un défi autant, on dit, pour les artistes, c'est un défi d'imaginer une utilisation du numérique. Mm-hmm. Donc, il y a vraiment une ouverture nouvelle. Et ils sont très nerveux parce que, dit les artistes, mais les gens qui participent à l'événement ne sont pas spécialistes du numérique nécessairement. Non, c'est tout ça. Comme les programmeurs ne sont pas spécialistes du milieu culturel. Et tout le monde est inquiet au début. Tout le monde te demande dans quoi je me suis embarqué. Mm-hmm. Et la beauté de l'événement, oui, il y a les prototypes à la fin, mais la beauté de l'événement, il est humain. Ouais. Ouais. C'est un événement où on se rend compte qu'on a des capacités de partage, d'imagination, de créativité, et ça vaut pour tout le monde. Mm. Autant les participants, mais il faut se rappeler, oui, il y a les équipes avec les participants, mais il y a toute l'équipe du musée qui vient en apport, en appui, en soutien, en imagination, en créativité. Et il y a toute une équipe de la communauté aussi, des entreprises, des laboratoires qui amènent matériel, personnel, expertise et qui vont accompagner les créateurs dans chacune des équipes à réaliser leurs projets. Mm. C'est extrêmement intense, comme c'est trois ça. Jours, oui. Mais les résultats ne se terminent pas le dimanche. Oui, il y a les prototypes, mais toute la démarche, l'approche, autant dans les musées que dans la communauté, reste des mois, des semaines et des années après. Ah ben ça, c'est intéressant. On pourra y revenir, mais avant, j'aimerais parler à Julien, justement, savoir, toi, ton expérience, justement, peut-être ça a été vraiment, c'est ça, génial, je trouve. Ça a été le côté très adrénaline, en fait. Tu sais, un musée, là, c'est relax. Hein? On va pas se le cacher, là. C'est assez tranquille, quand même, là. Puis c'est le fun, tout le côté, justement, contemplatif. Moi, j'aime beaucoup ça, mais de voir tout d'un coup le musée comme un laboratoire, là, c'est ça que le Musée au Mix essaie de montrer. Ça réalise tout le potentiel actif, finalement, de la culture, tu sais. Puis que ça peut réunir, rassembler les gens. Puis aussi, le dimanche, justement, c'était pas juste ceux qui participaient qui étaient là, c'était le public. Puis tu voyais que ça, le musée était plus pareil, tu sais, tout d'un coup. Ça pique coup. La curiosité aussi, ça, là, du public, de dire, on va venir essayer, voir comment on peut regarder le musée autrement, j'imagine. C'est ça, quelque chose de plus interactif, de plus accessible, pour vrai, tu sais. Tu le sentais qu'on dirait que c'est ça, ça venait chercher une curiosité que tout le monde en a, c'est-à-dire la technologie, en ce moment, on a toujours les gadgets, on en a toujours un, on veut en trouver d'autres. Puis là, tout d'un coup, le musée est rempli de gadgets, fait qu'on dirait que là, la culture peut devenir plus accessible par là aussi, je trouve. Démocratisation, vulgarisation, c'était pas nécessairement le gadget pour le gadget, c'était vraiment le numérique au service de l'art, de la médiation, et non le contraire. Mmh. C'est ça qui était intéressant, je pense, de ce qui est ressorti de notre expérience à nous, en tout cas. Pour peut-être rappeler numérique, qu'est-ce que ça veut dire? Numérique, c'est le web, c'est les médias sociaux, c'est les applications mobiles, c'est avoir un iPhone, une tablette. C'est des sites Internet, mais c'est aussi et surtout au-delà des technologies et des gadgets, c'est une manière d'être partagée, co-créée, diffusée. C'est ça qui est intéressant. On n'y pense pas spontanément. Non. Et souvent, certaines personnes vont imaginer les musées qui sont conservateurs, la question des droits, la question de la contemplation, d'être passif, d'être relax. plusieurs personnes vont penser qu'il y a une contradiction entre les deux. Mais la notion de culture numérique n'est pas en contradiction avec les expériences qu'on développe dans nos musées, même si, entre Marie-Hélène et moi, nos deux musées sont totalement différents. Mm-hmm. Ouais. De dépasser le dispositif, ça. C'est, je trouve ça intéressant. Tu sais, la technologie, c'est souvent un dispositif. Puis là, Muséomix nous amène plus loin que juste l'objet, tu sais. Puis comme l'art, des fois, il faut dépasser l'objet aussi qu'on a devant les yeux pour comprendre mieux ou en tout cas l'apprécier au complet. Mais je pense que dans notre cas, au Musée national des beaux-arts du Québec particulièrement, c'était la technologie qui nous permettait d'élargir nos publics, en fait. Mm-hmm. C'est plus comme une façon d'atteindre des gens qui ne seraient pas nécessairement intéressés d'abord comme ça, d'entrée de jeu, aux arts visuels en général, mais là, qui ont comme un intérêt. Oui, à cause justement de cet événement-là, du bouillonnement aussi qui se passe. Et moi, justement, j'étais curieuse de vous poser la question, il y a cet événement-là, mais justement, qu'est-ce qui en ressort? Quel est le potentiel? Est-ce que réellement, c'est les prototypes qui sont développés, il y en a qui ont le potentiel d'être utilisé par la suite, ou est-ce que pour une institution muséale, par exemple, est-ce que ça allume des lumières? J'imagine que oui, mais c'est quoi le potentiel d'un événement comme ça? Alors, en 2013, au Musée de la civilisation, il y a une équipe qui a travaillé sur le thème du cinéma d'animation. Oui. Et c'était vraiment un thème qui était muséomixé, parce qu'on préparait une exposition par la suite. Et la chargée de projet d'exposition, Anouk Gingras, a préparé avec la chargée de projet éducation. Déjà, vous voyez qu'il y a plein de personnes qui découvrent et qui explorent. Avec Suzanne Hardy, une réalisation d'un des prototypes. Donc, il y a eu un labo en plein cœur de l'exposition où les gens pouvaient créer des courts films d'animation en stop motion. Oui, je me rappelle, j'avais été visitée, puis je me rappelle avoir vu les gens, justement. Alors, ce prototype-là a été présenté, a été pérennisé dans une exposition. D'autres musées vont pérenniser ou pas des prototypes selon le potentiel, selon l'intérêt, selon les budgets, selon aussi, le temps, oui, selon l'expertise. Ce qui est sûr, c'est que Muséomix est un événement ouvert. Donc, toutes les idées provenant de quiconque peuvent être utilisées par quiconque, qu'on soit un musée, qu'on soit une bibliothèque, qu'on soit une entreprise. Et cette notion-là d'ouverture, elle nourrit les musées les uns les autres, bien sûr sur les prototypes, mais surtout sur les manières de fonctionner. Oui. Et ça, c'est le changement majeur. La plupart, ou j'oserais dire tous les musées, vivent un avant et un après Muséomix. Dans nos relations interpersonnelles, dans nos relations professionnelles, dans la manière dont le musée voit, j'ouvre mes portes à la communauté, j'accepte de fonctionner autrement, et c'est la plus grande réussite, en fait, de Muséomix. Oui, je pense aussi, c'est ça, cette ouverture du musée, c'est la plus belle chose, je pense, qu'il peut y avoir autant pour les gens du milieu qui, peut-être, grâce à ça, redécouvrent ou revoient, repensent, justement, qui montrent que c'est pas une structure, comme on dit, conservatrice, vieillotte, mais qui peut s'ouvrir et continuer à vivre, mais aussi, je pense pour les visiteurs aussi, ça a un beau potentiel, là, justement, de créer un peu d'intérêt là-dessus. Enfin, c'est déjà tout le temps qu'on avait, on me fait déjà signe, mais merci beaucoup d'être venu nous en parler, puis je suis sûre qu'on aura l'occasion d'en reparler si une autre édition se manifeste en 2016. On le souhaite, mais on sait que probablement ça s'élargit à Rivière-du-Loup, je pense. Hein, c'est ça, c'est-tu Rivière-du-Loup, Bas-Saint-Laurent? Oui, c'est ça. Ouais. Donc, aussi Montréal, fait qu'enfin, qui sait, peut-être Muséomix va continuer à se répandre dans les prochaines années. On le souhaite. Super. Ben, merci à tous d'avoir été parmi nous. Merci. Hein. Donc, nous, on va faire une pause audio. On s'en va écouter The Labyrinth par Obotech, pardon. Alors, nous sommes de retour et c'est le deuxième segment de l'émission. On est toujours à parler de médiation culturelle et maintenant, je suis accompagnée de nouvelles invitées parce qu'on est tout en femme. Je remarque ça là, pour ce panel. Donc, j'ai Jeanne Couture avec moi. Bonsoir, Jeanne. Bonjour, Audrey. José Landry-Sirois. Bonjour, Audrey. Et Andréane Lesage, notre chroniqueuse. Salut. Que vous entendez souvent ici. Donc, on avait envie parler de ce projet quand même assez spécial, inédit, si on peut dire, là, ici, dans Limoilou, qui a lieu donc avec 1, 2, 3, go Limoilou, donc un projet de médiation culturelle, mais auprès des tout petits, donc 0 à 5 ans. Donc, les filles, vous avez répondu à l'appel qui avait été lancé, je pense, et vous avez soumis un projet. Expliquez-nous un peu, justement, quelle était la commande qui avait été passée et votre projet, votre proposition. Tu y vas ou je vais? Je vais. Je vais aussi. Donc, le projet, la commande était en fait de faire plusieurs ateliers de médiation avec des enfants de 0 à 5 ans de différents milieux. Ensuite de ça, une fois qu'on a terminé nos ateliers, on en a fait 6. On va présenter en fait dans un mois une œuvre d'art public éphémère et cette œuvre-là va se matérialiser, si vous voulez, dans plusieurs quartiers. En fait, elle va déménager à chaque mois et demi à peu près pour aller couvrir le quartier du Vieux-Limoilou, le quartier Mézeray et le quartier Léret. Mm-hmm. Et l'œuvre va être également présentée donc pour la première fois durant le week-end du 14 et 15 mai, c'est la fête des petits trésors organisée par 1, 2, 3, go. Donc, ça sera au parc, mon Dieu, le fameux parc de pétanque de Limoilou, je ne sais pas, je me souviens plus du nom. Non, c'est pas le parc Ferland, mais donc, c'est le parc où est-ce qu'il y a une patinoire, là, pas loin de... Enfin, le parc de Lens, je pense, je sais plus. Vous regarderez ça. donc, c'est ça. Donc, la commande était la suivante. Et puis, moi et José, on a déjà terminé nos ateliers de médiation avec les enfants. On est allé rencontrer plusieurs publics. On est allé voir des enfants de CPE en milieu défavorisé, donc près des Tourbardis, donc dans les HLM là-bas. On est allé rencontrer aussi des parents. En fait, c'était pas juste des tout-petits, c'était des tout-petits et leurs parents parfois. Mm-hmm. Donc, rencontrer ce genre de clientèle. En fait, on recueillait la parole des parents, mais aussi des enfants. Mm-hmm. On a travaillé aussi au centre Mère et Monde avec des jeunes mères. Ça a été une expérience. En fait, tous les lieux ont été riches d'expériences. Je pense que c'est propre aussi à la médiation culturelle de vraiment s'immiscer, de s'extraire aussi en tant qu'artiste de son atelier pour s'immiscer dans des lieux, puis de devenir un intervenant de terrain, je dirais. Oui, ça. Aller à la rencontre des gens. Exactement. Mm-hmm. Aller à la rencontre de l'autre, être disponible à tout ce qui pourrait arriver. Et je dirais aussi que souvent, mais c'est tellement galvaudé comme terme, mais je dirais aussi que souvent, on pense que c'est nous qui allons apporter la magie. Oui, on le fait, mais j'écrirai un grand merci à tous les gens qui collaborent à tous les projets que j'ai pu ou que je peux faire, mm-hmm. parce que souvent, ils ne le savent pas, mais c'est eux qui changent notre vision et des choses, de l'art, de la vie, et qui nous apportent des nourritures tellement riches. Oui, exact. C'est un partage, finalement. Oui. C'est à deux, ben, je dis à deux, mais à plusieurs. C'est pas juste l'artiste qui fait la magie, mais la rencontre de tous ces intervenants, de tous ces gens-là aussi. Puis, ce que j'ai trouvé beau aussi dans ce projet-là, c'est que ça touche différents types de familles aussi, hein. C'est pas que des familles, père, mère, enfant, mais il y a un peu de tout, puis des gens de l'extérieur aussi, des immigrants. Des immigrants, des bassins, divers bassins qui deviennent, souvent, moi, Pierre, on mettait l'image des pays qui se rencontrent, comme des émotions aussi qui sont proches finalement, puis de toutes ces charnières-là ou de tous ces bassins-là que l'on ne visite pas souvent, tu sais. Mm-hmm. En fait. Oui, c'est des gens qu'on n'aurait pas rencontrés autrement, puis le moyen de dialoguer avec eux, c'est le prétexte, en fait, c'est l'œuvre d'art, c'est un propos artistique, mais c'est vraiment un prétexte à la rencontre, en fait. Puis contrairement, tu sais, admettons à l'art relationnel où les individus, les citoyens deviennent des protagonistes qui font et qui nécessitent vraiment une intervention pour que l'œuvre d'art existe. Là, c'est pas ça du tout. Mm-hmm. En fait, on est tous sur le même terrain. Tout le monde est sur le même terrain, sur la même entente, sur la même

Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Alors, de retour à l'aérospatiale, dossier spécial médiation culturelle. Et on poursuit notre discussion avec Jeanne Couture et José Landry-Sirois au sujet de ce très beau projet de médiation culturelle auprès d'un très jeune public, 0-5 ans, donc qui a lieu ici en ce moment dans Limoilou. Et Andréane, tu avais quelques questions, je pense, pour nos invités aussi. Oui, ben là on a discuté déjà un peu de c'est quoi pour vous la médiation, tout ça, mais puis un peu bon de ce qui vous était demandé dans le cadre de ce projet-là qui s'appelle Un quartier riche en émotions. Mais que, c'est quoi le concept en fait que vous avez fini par développer, que vous avez proposé aussi, puis où ça en est un peu? Ben concrètement, nous ce qu'on a proposé c'est de réaliser 3 cabines. On va pas tout vous dire, mais 3 cabines et chacune dans d'entre elles... Dans lesquelles on peut entrer. Dans le... ouais. Et chacune d'entre elles a une thématique en lien avec des émotions. Et il y avait inévitablement des références à ces lieux magiques qui sont, par exemple, des fois les photomatons, la cabine téléphonique, ces lieux magiques où il se passe quelque chose d'intime. D'intime, mm-hmm. Ouais. Oui. Le lieu intime qui, finalement, je pense que si on dit émotion, je pense qu'on pourrait dire égal intime aussi. Donc, quelque chose de très près de soi, à l'abri de l'autre. Mm-hmm. Donc, il y avait cette idée-là visuelle aussi, tu sais. Donc, ça va être des petits cocons, en fait. T'sais, on va pouvoir rentrer à l'intérieur de ça et on va vivre une expérience qui va être en lien. On a sélectionné, en fait, 6 émotions, 2 émotions par cabine. Puis l'idée, c'est que les gens, ce qui va être à l'intérieur des cabines, on vous dira pas trop, mais ce qui va être présenté à l'intérieur va vraiment... Va essayer, en fait, c'est ce qu'on essaie de faire, mais de susciter ce genre d'émotions-là, ou comme par exemple, on a une cabine joie, émerveillement, ben que quand on rentre vraiment à l'intérieur, on est vraiment on soit émerveillé en fait parce qu'on voit, puis donc parce que les cabines à l'extérieur vont avoir des ça va être pictural, ça va être des cabines qui vont ressembler un peu à des caisses de transport, donc assez rough au niveau de l'architecture, très simple avec des signes picturaux à l'extérieur, mais à l'intérieur ça va être un autre monde complètement. Donc c'est là où les gens, les tout petits et leurs parents vont pouvoir aller vivre des émotions et aller en parler aussi, parce qu'il va avoir des yeux magiques. Donc, on va pouvoir observer les gens qui vont être dans la cabine, de l'extérieur de la cabine, vraiment comme un petit œil magique de chambre d'hôtel. Et on va pouvoir regarder, ça va être à différentes hauteurs. Les tout-petits vont pouvoir voir leurs parents, voir leurs frères et sœurs, etc. Donc, on va pouvoir s'observer de part et d'autre, en fait, des cabines pour voir les autres vivre et regarder une œuvre d'art, finalement, sans être vu. Ouais, puis outre le fait que la cabine va être une œuvre d'art, on voulait aussi qu'elle serve à devenir un outil pour le parent à parler avec l'enfant ou à vivre l'émotion, et que justement les yeux magiques vont servir aux parents à être le regardeur ou voir même un enfant regarder par l'œil magique un autre enfant vivre l'expérience à l'intérieur. Finalement, donc, amener un peu le dialogue à l'extérieur de ces cabines-là, que ça se poursuive à la maison, dans la rue. Oui, exactement. Puis même, c'est ce qu'on souhaitait. Bon, on souhaitait que ces lieux deviennent des lieux un peu... on entendait déjà dire des enfants, ce soir, on va à la cabine, tu sais, que ces lieux-là deviennent... Parce que c'est ça, entre autres, on a une cabine, je donne d'autres exemples, là, des punchs, là. On a une cabine, c'est autour du dégoût et de la peur. Et puis, c'est une cabine, en fait, celle-là, on peut pas entrer, mais ça va être une boîte noire avec, bon, différents symboles sur le dessus, mais avec plein de trappes. Donc, on va pouvoir vraiment aller jeter des peurs, des choses qu'on n'aime pas, qui nous dégoûtent. Mm-hmm. Donc, vraiment aller jeter ça, puis donc de faire, justement, avec le parent et l'enfant, on va pouvoir faire une espèce de dialogue, justement, rituel, à la maison, un petit rituel, de dire, écoute, regarde, t'aimes pas ça, le brocoli, mais regarde, on va aller aller, on va en acheter un petit bout, puis on oublie ça, tu sais, après ça, c'est fini. Ou, tu sais, des colères qu'il y aurait eu durant la journée, de le vivre, mm-hmm. puis d'aller un peu s'en débarrasser dans notre cabine sur la peur. Donc c'est vraiment l'idée de faire vivre quelque chose, mais qui soit aussi ancré dans l'imaginaire, en tout cas, ce qu'on aimerait, puis que les parents puissent l'utiliser comme outil aussi de... Mmh. De dialogue. De dialogue, oui, tout à fait, mmh. avec leurs enfants. Oui. Finalement, ça va beaucoup au-delà de l'art, en quelque sorte. Finalement, l'art n'est qu'un prétexte ici pour une rencontre, favoriser des dialogues parents-enfants, et par la bande aussi, artistes, ils reviennent de l'art, mais je pense qu'à la base de ce projet-là aussi, à vous entendre parler, il y a ça aussi beaucoup, de créer ce dialogue-là entre parents et enfants. Oui, il y a vraiment un souci, là. Donc la médiation va jusqu'au bout, là. On fait pas juste assemblant de faire de la médiation, on la fait jusqu'au bout dans nos œuvres, dans ce qu'on va présenter avec José. Puis, mais en même temps, les œuvres d'art, ça va être tout à fait dans l'esthétique de ce que José André Sirois fait dans sa pratique, là. Il n'y a pas de modification là, ou de pédagogie dans ces œuvres-là. Ça va vraiment être des œuvres de José Landry Sirois, mais d'une manière à travailler avec le public. Tout ça. Avec un souci quand même, parce que 1-2-3-Go collabore activement avec nous à répertorier, archiver les dialogues, donc qui vont servir visuellement aussi à intégrer des bribes de ces expériences-là. Mm-hmm. Exact, exact. Andréane, avais-tu peut-être une dernière intervention rapidement? Peut-être en un mot, c'est quoi que vous retenez de cette expérience de médiation-là auprès d'un public très, très jeune? Je pense que c'était votre première expérience avec des enfants aussi jeunes. Puis vous l'avez dit tout à l'heure, vous-même, vous n'avez pas d'enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué? Je pense qu'on arrivait justement avec En fait, c'est fun parce qu'on leur disait qu'on n'avait pas d'enfants. Puis il y avait une espèce... Il n'y avait pas de préjugés. On n'est pas mère. Donc, on arrive là vraiment en ouverture. Avec puis, l'ouverture à l'expérience. C'est ça. Donc, on allait vraiment... jamais comparé avec nos enfants, on n'a pas. Donc, c'est ça qui était intéressant, je pense. C'était le merveillement, peut-être. Ouais, d'être prête à livrer, mais aussi à recevoir. Mm. Donc, on a reçu beaucoup. Ouais, on était très gâtés, je pense, de nos publics qui ont vraiment participé à 100%, mais qui se sont vraiment laissés aller parce qu'on parle des émotions, donc c'est intime, comme on disait tantôt. Alors, on a vraiment parlé de ce qui se passe vraiment derrière la porte close là, avec nos enfants ou lorsqu'on était avec des parents. C'est sûr que les dialogues étaient plus touffus, mais avec les petits, c'était le fun parce qu'on allait vraiment travailler les couleurs, les lignes, les symboles, donc des choses qu'on va retrouver aussi dans nos cabines. Je pense que ce climat de confiance-là s'est vite installé. Donc... Mm-hmm. Oui. Ah non, mais voilà, c'est déjà tout pour ça. Mais je veux dire, on sent que c'est une très belle initiative aussi, un premier projet, je pense, à Québec de ce genre-là aussi, mais qui a un grand potentiel aussi d'ouverture, en tout cas, qui a une belle suite, je pense, aussi pour l'avenir. Merci beaucoup, les filles, d'être venues nous en parler. Puis on vous souhaite aussi un bon succès pour la suite des choses, hein, d'ici là, jusqu'à l'ouverture de ces fameuses cabines. En tout cas, on aura l'opportunité d'en glisser un mot à l'émission, certainement, lorsque ce sera inauguré. Merci. Merci encore. Donc, on fait une petite pause audio. On s'en va écouter A Journey Through a Keeper Belt. et non le moindre. Je suis en compagnie donc de Danny Coyne. Bonsoir. Et on a aussi au bout du fil Simon Grondin. Bonsoir. Est-ce qu'on... Bonsoir, Danny. Ah, OK. Hey, salut, Simon. Alors, dans le fond, on vous a réunis parce que vous étiez les co-commissaires d'une exposition assez particulière qui s'appelait L'art en soi, si on peut dire une exposition surtout assez inédite comme proposition, qui était sur la question de la perception du spectateur devant l'art. Est-ce que je vois juste? Non, pas du tout. oui, tout à fait. Donc, moi, j'étais curieuse de vous poser peut-être deux questions qui se combinent bien ensemble, à savoir d'où vous est venue l'idée de ce concept-là et pourquoi faire une expo comme ça de l'art en soi? En fait, c'est la ville qui nous a approchés. Qui avait eu une idée semblable, c'était quand même assez vague, mais l'idée de base était de renverser la problématique habituelle, et donc les gens allaient voir des œuvres d'art, et non pas pour apprendre des choses sur les artistes, sur les périodes, ainsi de suite, mais apprendre des choses sur eux, par le biais, par l'entremise des œuvres d'art. Alors c'est vraiment un renversement total. Et bon, on parle de médiation, c'est vraiment ça, là, parce qu'on part finalement du spectateur. Oui, exactement. Et puis, donc, cette commande-là, mais aussi, donc, il faut dire aux gens, il y avait des œuvres d'art qui étaient là, des œuvres d'art aussi qui ne se voulaient pas présenter comme une exposition collective, comme on pourrait le voir. C'était des artistes aussi de différentes époques. Mm-hmm. C'est ce qui m'avait marqué à l'époque. Donc, mais québécois. Oui, des artistes québécois, comme vous le dites très bien, et des artistes donc d'une époque parfois beaucoup plus ancienne, mais aussi des œuvres d'art contemporaines. Mm-hmm. Mais en fait, l'idée, c'est encore là, c'est pouvoir s'ouvrir à tous les publics et tous les goûts possibles. Alors, il nous fallait des œuvres qui soient figuratives, des œuvres abstraites, des peintures, des sculptures, de la vidéo, de la photographie, de manière à ce que tout le monde puisse y trouver son compte, finalement. Monsieur Grondin, spécialiste de la perception du temps. C'est quand même un créneau aussi. Je suis curieuse de savoir, vous, de votre côté, comment vous avez abordé le projet avec, avec Dany? Avec beaucoup de scepticisme en commençant. Ah ben c'est bien, oui. Oui, quand même. Parce qu'au début, il était presque plus question de psychologie de la personnalité que de psychologie de la perception. Mais chemin faisant, finalement, on a découvert ce qu'allait être l'exposition. Et puis, il s'est avéré qu'il y avait effectivement beaucoup d'éléments liés à la perception. Puis là, c'est devenu très intéressant de travailler avec Dany. En fait, ce qu'il faut voir, vous parliez du choix des œuvres tout à l'heure. Dans la création de l'exposition, ce qui était extrêmement difficile, c'était de concevoir des manières de faire découvrir. Oui. Et puis ensuite, d'aller à la recherche d'une œuvre qui permet de mettre ça en relief. Parfois, on pouvait partir d'une œuvre, et puis pour se rendre compte au bout du chemin que l'œuvre était pas disponible, que c'était pas possible. Alors on a joué comme ça, je sais pas si on peut dire à l'œuf et à la poule là, mais oui, c'est un peu ça. Est-ce qu'on partait d'une description qu'on voulait faire, d'un message qu'on voulait passer d'une étape qu'on voulait faire parcourir aux gens, ou s'il fallait partir d'une œuvre et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire dire à cette œuvre-là qui marche avec le concept de l'exposition, qui est de que les gens puissent découvrir qu'est-ce qu'il y a en eux qui puisse les interpeller dans l'art. Oui, exact, parce que aussi une des particularités qui nous avait, parce qu'on avait fait la chronique aussi là autour, on était invité quelques intervenants à discuter de l'exposition, le fait qu'il n'y ait pas de cartel aussi au mur. Ça insécurise beaucoup les gens. Bien, ça est sécurisé, mais on est toujours dans le questionnement à savoir de qui il s'agit. Par contre, ce qu'ils avaient, c'est un audio guide. Oui, exact. Alors, ils étaient en quelque sorte pris en charge. Mm-hmm. Et puis, ils avaient un accompagnement. Alors, l'accompagnement n'était pas visuel, c'était pas une petite carte qui donnait de l'information. C'était plutôt des questions qui leur étaient posées. Alors, ils étaient d'abord amenés à réfléchir face à ce qu'ils avaient devant eux. C'est ça, vraiment. Qu'est-ce qui se passe devant, par exemple, une œuvre comme un Molinari, justement? Qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils perçoivent, justement? Mm-hmm. Et non de juste s'arrêter au simple fait que c'est des barres, finalement, des lignes de couleurs. Mais aussi, oui, vas-y, Simon. Oui, OK. Ce qui est intéressant, moi, je profite peut-être de l'occasion ici pour souligner la générosité des artistes qui nous laissaient utiliser leur œuvre. Et puis, sans qu'on mette leur nom tout de suite à côté. Mmh. Généralement, il y a toujours une reconnaissance immédiate de qui vient l'œuvre, en quelle année ça a été produit. Toute cette information-là était disponible à un endroit ou à un autre, mais quand les gens faisaient l'exposition, c'est pas ce qu'ils avaient en premier. Alors, les artistes ont eu la générosité de libérer leur œuvre pour nous laisser faire l'exposition. Oui, exactement. Et puis, il y avait quand même une bonne quantité d'œuvres. Moi, c'est ce qui m'avait marqué. Peut-être aussi, c'est l'exiguïté du oui. lieu qui en faisait en sorte. Mais vous avez quand même eu tout un défi de travailler avec, je pense, une trentaine d'œuvres hein, en tout. Hein? Oui, certainement une trentaine. Oui. En fait, probablement même un peu plus. Oui, un petit peu parce qu'il oui. y avait certains îlots où il y avait oui. deux œuvres, parfois même oui, trois. Là, les tondis de Martin Bureau, par oui, exemple. Tout à fait. Mm-hmm. Puis, en fait, faut souligner, faut donner le mérite à la personne qui a fait la mise en scène oui, de tout Daniel ça. Là. Lessard. Daniel ah ben Lessard, oui. qui, on l'a mis de face à un très grand nombre de contraintes. Il y avait beaucoup de choses, puis elle a placé ça. Et puis, l'exposition a marché finalement, là, parce que elle a su comment composer avec ces contraintes-là. Oui, tout oui. à fait. Et puis, il y a, Jean-Tienne, tu as entre les mains, la publication aussi qui a été faite oui, pour la suite. Ben, c'est intéressant parce que normalement, avec une exposition, il y a la classique catalogue, alors que là, c'est une publication qui vient a posteriori. Oui, ben en fait, c'est vraiment un livre, là. Oui, c'est ouais. ça, c'est un livre, et puis on retrouve un peu le même principe que dans l'exposition, donc les œuvres qui sont pas attribuées, donc avec, mm-hmm. avec une page qu'on doit tourner pour découvrir un peu le secret qui, oui. de ce que veut nous révéler l'œuvre dans ce processus-là de découverte de soi, et puis il y a aussi un retour sur ce qui s'est passé dans l'exposition. Oui, ben ça c'est vraiment fantastique parce que on a pris des photos aussi oui. lors de l'exposition et oui. ça apparaît dans le bouquin. Et il y a évidemment beaucoup de, en fait, il y a toutes sortes de trucs qui n'apparaissaient pas à l'exposition. Comme là, on a les biographies des artistes. On a aussi une bibliographie qui renvoie à des ouvrages pour approfondir évidemment le sujet, là. Alors, donc, c'est... Et vraiment, l'idée, c'est que l'exposition a fait des petits, c'est-à-dire qu'il y a le livre, et là, on espère de tout cœur, là, vraiment, c'est l'objectif ultime, que, éventuellement, des musées puissent, bon, en guillemets, acheter le concept, ouais, et pour... Oui. Oui. Vas-y, Simon. Oui, reprendre le concept... Oui. Ben, pour pouvoir intégrer les toiles qu'ils ont eux-mêmes dans leur... Oui, c'est ça. Dans leur musée. Là. Donc, ça serait une reprise avec d'autres œuvres, ben oui, toujours sous le même. Et on a concept. Vu que c'est interchangeable. Oui, ben, peut-être qu'il y a une partie des œuvres qui pourraient être récupérées selon oui, leur disponibilité, en fait. Mm-hmm. Mais sinon, oui, avec les œuvres que les musées ont sous la main. Donc, oui. de faire redécouvrir les collections muséales, mais oui, à l'aune de autrement. Ce. Oui, oui. Donc, ouais, c'est très intéressant. Mais c'est ça, dans le livre, il y a quelques. On revient sur l'expérience un peu de l'exposition, mm-hmm. on revient sur ce que les visiteurs ont écrit oui. Dans leur interaction. Donc, c'est assez intéressant parce que souvent, quand on pense à une publication par rapport à une exposition, c'est un catalogue. Le catalogue est préparé en même temps. Puis, il y a cette déception-là d'arriver à l'exposition puis de faire « Ah, oh, mais il aurait pu y avoir ça ou ça oui, ou ça oui, ou oui, ça oui. aussi dans le catalogue », alors que là, c'est un petit cadeau que vous avez ah, fait ben aussi. Oui, ben oui. Mm-hmm. Puis, c'est un cadeau qu'on fait aux gens. Parce... D'ailleurs, il n'est pas cher, là. Il est... Faisons la en petite bas de là, 20 piastres. À 19,95 chez Pantoute. Ben oui. Ben en fait, partout, oui, il n'y a pas juste chez Pantoute. Libraires, peut, mais, on, mais, ouais. Oui, et puis, mais c'est ça, mais, avec l'exposition, vous vouliez aller chercher un très, très grand public. Et puis ici, je trouve que c'est un outil aussi pour toute personne qui est impliquée dans la médiation, dans l'enseignement, qui ah, veut ben oui. démystifier. Ben Simon, tu pourrais en parler là, de ça, en tant qu'outil, là, le livre. Ben en tout cas moi j'ai pu l'utiliser en classe là pour parler d'un aspect de la psychologie de la perception qui s'appelle la neuroesthétique et puis ça permettait aux gens de faire aux étudiants dans la classe de faire le lien entre ce qu'ils avaient vu dans le cours de perception et puis à quel point on peut utiliser cette connaissance là quand vient le temps d'aborder les arts visuels. Mm-hmm. Et puis, vous, Dani, est-ce que vous l'avez utilisé en classe ou parce que vous êtes enseignant, vous oui, aussi? Ben oui, tout à fait, mais pas pour l'instant. En fait, j'ai utilisé ma classe pour pouvoir, ben Simon également aussi, pour oui. pouvoir bâtir nos trucs. Oui.